sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, « Voici que je vous donne toute herbe portant semence à la surface de toute la terre, et tout arbre qui porte un fruit d'arbre ayant semence, ce sera pour votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Chapitre 2. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et toute leur armée. Et Dieu eut achevé le septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés, lorsque le Seigneur Dieu eut fait une terre et un ciel. Il n'y avait encore sur la terre aucun arbrisseau des champs, et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et le Seigneur Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbre agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se partageait en quatre bras. Le nom du premier est Fison. C'est celui qui entoure tout le pays d'Évilat, où se trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon. Là aussi se trouvent le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Géon. C'est celui qui entoure toute la terre de Cush. Le nom du troisième est le Tigre. C'est celui qui coule à l'Orient d'Assur. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et le Seigneur Dieu, qui avait formé du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et pour que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les animaux domestiques, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais il ne trouva pas pour l'homme une aide semblable à lui. Alors le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. De la côte qu'il avait prise de l'homme, le Seigneur Dieu forma une femme, et il l'amena à l'homme. Et l'homme dit, « Celle-ci, cette fois, est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Ils étaient nus tous les deux, l'homme et sa femme, sans en avoir honte. Chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu ait fait. Il dit à la femme, « Est-ce que Dieu aurait dit, « Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et désirable pour acquérir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix du Seigneur Dieu passant dans le jardin à la brise du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent de devant le Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, car je suis nu, et je me suis caché. » Et le Seigneur Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que vous avez mise avec moi m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompée, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux domestiques et toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. » Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te meurtrira à la tête, et tu la meurtriras au talon. À la femme, il dit, « Je multiplierai tes souffrances, et spécialement celles de ta grossesse. Tu enfanteras des fils dans la douleur. Ton désir se portera vers ton mari, et il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est par un travail pénible que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Parce que c'est d'elle que tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras en poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, parce qu'elle a été la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à Adam et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Et le Seigneur Dieu dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, qu'il n'avance pas sa main, qu'il ne prenne pas aussi de l'arbre de vie, pour en manger et vivre éternellement. » Et le Seigneur Dieu le fit sortir du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Et il chassa l'homme, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée tournoyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai acquis un homme avec le secours du Seigneur. » Elle enfanta encore Abel, son frère. Abel fut pasteur de brebis, et Caïn était laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn offrit des produits de la terre en oblation au Seigneur. Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Le Seigneur regarda Abel et son offrande, mais il ne regarda pas Caïn et son offrande. Caïn en fut très irrité, et son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé ? Et si tu ne fais pas bien, le péché ne se couche-t-il pas à ta porte ? Son désir se tourne vers toi, mais toi, tu dois dominer sur lui. » Caïn dit à Abel, son frère, « Allons aux champs. » Et, comme ils étaient dans les champs, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et le tua. Et le Seigneur dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Le Seigneur dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu es maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la terre, elle ne donnera plus ses fruits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. » Caïn dit au Seigneur, « Ma peine est trop grande pour que je puisse la supporter. Voici que vous me chassez aujourd'hui de cette terre, et je serai caché loin de votre face. Je serai errant et fugitif sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui dit, « Eh bien, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé sept fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn, afin que quiconque le rencontrerait ne le tuât pas. Puis Caïn s'éloigna de devant le Seigneur, et il habita dans le pays de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Hénoc. Et il se mit à bâtir une ville qu'il appela Hénoc, du nom de son fils. Irad naquit à Hénoc, et il engendra Maviaël. Maviaël engendra Mathusaël, et Mathusaël engendra Lamec. Lamec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada, et celui de la seconde, Sella. Ada enfanta Jabel. Il a été le père de ceux qui habitent sous des tentes et au milieu de troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il a été le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Sella, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait toute espèce d'instruments tranchants, d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Noéma. Lamec dit à ses femmes, « Ada et Sella, entendez ma voix. Femmes de Lamec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé sept fois et Lamec 77 fois. » Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné une postérité à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils qui l'appela Énos. Ce fut alors que l'on commença à invoquer le nom du Seigneur. Chapitre 5. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa mâle et femelle, et il les bénit, et il leur donna le nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam vécut 130 ans, et il engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tout le temps qu'Adam vécut fut de 930 ans, et il mourut. Seth vécut 500 ans, et il engendra Énos. Après qu'il eut engendré Énos, Seth vécut 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tout le temps que Seth vécut fut de 912 ans, et il mourut. Énos vécut 90 ans, et il engendra Caïnan. Après qu'il eut engendré Caïnan, Énos vécut 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tout le temps qu'Énos vécut fut de 905 ans, et il mourut. Caïnan vécut 70 ans, et il engendra Malaléel. Après qu'il eut engendré Malaléel, Caïnan vécut 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Tout le temps que Caïnan vécut fut de 910 ans, et il mourut. Malaléel vécut 65 ans, et il engendra Jared. Après qu'il eut engendré Jared, Malaléel vécut 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Tout le temps que Malaléel vécut fut de 895 ans, et il mourut. Jared vécut 162 ans et il engendra Enoch. Après qu'il eut engendré Enoch, Jared vécut 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tout le temps que Jared vécut fut de 962 ans et il mourut. Enoch vécut 65 ans et il engendra Mathusalem. Après qu'il eut engendré Mathusalem, Enoch marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tout le temps qu'Enoch vécut fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu et on ne le vit plus car Dieu l'avait pris. Mathusalem vécut 187 ans et il engendra Lamech. Après qu'il eut engendré Lamech, Mathusalem vécut 182 ans et il engendra des fils et des filles. Tout le temps que Mathusalem vécut fut de 969 ans et il mourut. Lamech vécut 182 ans et il engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant: celui-ci nous soulagera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de ce sol qu'a maudit le Seigneur. Après qu'il eut engendré Noé, Lamech vécut 195 ans, et il engendra des fils et des filles. Tout le temps que Lamech vécut fut de 777 ans, et il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japhet. Chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à être nombreux sur la surface de la terre, et qu'il leur fut né des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui leur plurent. Et le Seigneur dit: mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Or, les géants étaient sur la terre en ces jours-là, et cela après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont là les héros renommés dès les temps anciens. Le Seigneur vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur, et il dit: j'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux animaux domestiques, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici l'histoire de Noé. Noé était un homme juste, intègre parmi les hommes de son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. Or la terre se corrompit devant Dieu et se remplit de violence. Dieu regarda la terre, et voici qu'elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais les détruire, ainsi que la terre. Fais-toi une arche de bois résineux. Tu la feras composée de cellules et tu l'enduiras de bitume en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées et sa hauteur de 30. Tu feras à l'arche une ouverture, à laquelle tu donneras une coudée depuis le toit. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu feras un premier, un second et un troisième étage de cellules. Et moi, je vais faire venir le déluge, une inondation de la terre, pour détruire de dessous le ciel toute chair ayant en soi souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Ce sera un mâle et une femelle. Des oiseaux des diverses espèces, des animaux domestiques des diverses espèces, et de toutes les espèces d'animaux qui rampent sur le sol, deux de toute espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, Prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en provision près de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. » Noé se mit à l'œuvre, il fit tout ce que Dieu lui avait ordonné. Chapitre 7. Le Seigneur dit à Noé : « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi au milieu de cette génération. De tous les animaux purs, tu en prendras avec toi 7 paires, des mâles et leurs femelles. Et de tous les animaux qui ne sont pas purs, tu en prendras 2, un mâle et sa femelle. 7 paires aussi des oiseaux du ciel, des mâles et leurs femelles, pour conserver en vie leur race sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. » Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Il avait 600 ans quand eut lieu le déluge, une inondation de la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Des animaux purs et de ceux qui ne sont pas purs, des oiseaux et de tout ce qui rampe sur le sol, chaque père, mâle et femelle, vint vers Noé dans l'arche, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Et, au bout de 7 jours, les eaux du déluge se répandirent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, au 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent, et la pluie tomba sur la terre durant 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, Noé entra dans l'arche, avec Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et toutes les bêtes des diverses espèces, tous les animaux domestiques des diverses espèces, tous les reptiles des diverses espèces qui rampent sur la terre, et tous les oiseaux des diverses espèces, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils vinrent vers Noé dans l'arche, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Ils arrivaient mâles et femelles, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Et le Seigneur ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux grossirent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux crurent et devinrent extrêmement grosses sur la terre, et l'arche flotta sur les eaux. Les eaux, ayant grossi de plus en plus, couvrirent toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel tout entier. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qu'elles recouvraient. Toute chair qui se meut sur la terre périt. Oiseaux, animaux domestiques, bêtes sauvages, tout ce qui rampe sur la terre, ainsi que tous les hommes. De tout ce qui existe sur la terre sèche, tout ce qui a souffle de vie dans les narines mourut. Tout être qui se trouve sur la face du sol fut détruit, depuis l'homme jusqu'à l'animal domestique, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre, et il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent hautes sur la terre pendant 150 jours. Chapitre 8. Dieu se souvint de Noé, de toutes les bêtes et de tous les animaux domestiques qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux baissèrent. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel se fermèrent, et la pluie cessa de tomber du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, allant et revenant, et elles s'abaissèrent au bout de 150 jours. Au 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent se retirant jusqu'au 10e mois, et, au 10e mois, le 1er jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche et lâcha le corbeau, qui sortit, allant et revenant, jusqu'à ce que les eaux fussent séchées au-dessus de la terre. Il lâcha ensuite la colombe d'auprès de lui pour voir si les eaux avaient diminué de la surface de la terre. Mais la colombe, n'ayant pas trouvé où poser la plante de son pied, revint vers lui dans l'arche, parce qu'il y avait encore des eaux à la surface de toute la terre. Il étendit la main, et, l'ayant prise, il la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Et la colombe revint vers lui sur le soir. Et voici, une feuille d'olivier toute fraîche était dans son bec. Et Noé reconnut que les eaux ne couvraient plus la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe. Et elle ne revint plus vers lui. L'an 601, au premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche et regarda. Et voici, la surface du sol avait séché. Au second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Toutes les bêtes de toute chair qui sont avec toi, oiseaux, animaux domestiques, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, fais-les sortir avec toi, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Noé sortit, lui et ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Toutes les bêtes, tous les reptiles et tous les oiseaux, tous les êtres qui se meuvent sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé construisit un autel au Seigneur, et, ayant pris de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur sentit une odeur agréable, et le Seigneur dit en son cœur, « Je ne maudirai plus désormais la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout être vivant comme je l'ai fait. Désormais, tant que la terre durera, les semailles et la moisson, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit : Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de toute bête de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se meut sur la terre et de tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela, comme je vous avais donné l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire avec son sang. Et votre sang à vous, j'en demanderai compte à cause de vos âmes. J'en demanderai compte à toute bête. De la main de l'homme, de la main de l'homme qui est son frère, je redemanderai l'âme de l'homme. Quiconque aura versé le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Vous, soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et vous y multipliez. Dieu dit encore à Noé et à ses fils avec lui. Et moi, je vais établir mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, animaux domestiques, et toutes les bêtes de la terre avec vous, depuis tous ceux qui sont sortis de l'arche jusqu'à toute bête de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus détruite par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Et Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations à venir. J'ai mis mon arc dans la nue, et il deviendra signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'assemblerai des nuées au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tout être vivant, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge détruisant toute chair. L'arc sera dans la nue, et, en le regardant, je me souviendrai de l'alliance éternelle qui existe entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair, qui sont sur la terre. Et Dieu dit à Noé, Tel est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute chair qui est sur la terre. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Et Cham était le père de Chanaan. Ces trois sont les fils de Noé, et c'est par eux que fut peuplée toute la terre. Noé, qui était cultivateur, commença à planter de la vigne. Ayant bu du vin, il s'enivra, et il se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Chanaan, vit la nudité de son père, et il alla le rapporter dehors à ses deux frères. Alors Sem, avec Japheth, prit le manteau de Noé, et, l'ayant mis sur leurs épaules, ils marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était tourné en arrière, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que lui avait fait son plus jeune fils, et il dit « Maudit soit Chanaan, il sera pour ses frères le serviteur des serviteurs. » Puis il dit « Béni soit le Seigneur, Dieu de Sem, et que Chanaan soit son serviteur. Que Dieu donne de l'espace à Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Chanaan soit son serviteur. » Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, et il mourut. Chapitre 10. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Fils de Japheth, Gomer, Magog, Madaï, Yavan, Tubal, Mozok et Tiras. Fils de Gomer, Asenez, Riphat et Togorma. Fils de Yavan, Elisa et Tarsis, Sétim et Dodanim. Ces deux que viennent les peuples dispersés dans les îles des nations, dans leurs divers pays, chacun selon sa langue, selon leur famille, selon leur nation. Fils de Cham, Chus, Mesraïm, Phut et Chanaan. Fils de Chus, Saba, Evila, Sabata, Regma et Sabataka. Fils de Regma, Saba et Dadan. Chus engendra Nemrod. Celui-ci fut le premier, un homme puissant sur la terre. Ce fut un vaillant chasseur devant le Seigneur. C'est pourquoi l'on dit, comme Nemrod, vaillant chasseur devant le Seigneur. Le commencement de son empire fut Babel, Arak, Akkad et Calané au pays de Sénar. De ce pays il alla en Assur et bâtit Ninive, Rekoboth-Ir, Calais et Rézen, entre Ninive et Calais. C'est la grande ville. Mesraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Lahabim, les Neftuim, les Phétrusim, les Chasluim, d'où sont sortis les Philistins, et les Kaphtorim. Chanaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, ainsi que les Jébuséens, les Amoréens, les Gergéséens, les Évéens, les Araséens, les Sinéens, les Aradiens, les Samaréens et les Amathéens. Ensuite les familles des Cananéens se répandirent dans le pays, et le territoire des Cananéens alla depuis Sidon, dans la direction de Gérard, jusqu'à Gaza, et dans la direction de Sodome, Gomorre, Adama et Séboïm, jusqu'à Lesa. Tels sont les fils de Cham selon leur famille, selon leur langue, dans leurs divers pays, dans leurs nations. Des fils naquirent aussi à Sem, qui est le père de tous les fils d'Héber et le frère aîné de Japheth. Fils de Sem, Élam, Assur, Arphaxad, Lud et Aram. Fils d'Aram, Us, Hul, Jeter et Mes. Arphaxad engendra Salé, et Salé engendra Héber. Et il naquit à Héber deux fils, le nom de l'un était Phaleg, parce que de son temps la terre était partagée, et le nom de son frère était Jectan. Jectan engendra Elmodad. Salef, Hazarmot, Jaré, Aduram, Uzal, Décla, Ebal, Abimael, Saba, Ophir, Évila et Jobab. Tous ceux-là sont fils de Jectan. Le pays qu'ils habitèrent fut la montagne d'Orient, à partir de Mesa, dans la direction de Séphar. Tels sont les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, dans leurs divers pays, selon leurs nations. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leurs générations, dans leurs nations. C'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Étant partis de l'Orient, les hommes trouvèrent une plaine dans le pays de Sénaar, et ils s'y établirent. Ils se dirent entre eux, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et ils se servirent de briques au lieu de pierre, et de bitume au lieu de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans le ciel, et faisons-nous un monument, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. » Mais le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et le Seigneur dit, « Voici, ils sont un seul peuple, et ils ont pour eux tous une même langue. Et cet ouvrage est le commencement de leurs entreprises. Maintenant rien ne les empêchera d'accomplir leurs projets. Allons, descendons, et là même confondons leur langage, de sorte qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. » C'est ainsi que le Seigneur les dispersa de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on lui donna le nom de Babel, car c'est là que le Seigneur confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que le Seigneur les a dispersés sur la face de toute la terre. Voici l'histoire de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arphaxad, 2 ans après le déluge. Après qu'il eut engendré Arphaxad, Sem vécut 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Arphaxad vécut 35 ans, et il engendra Salé. Après qu'il eut engendré Salé, Arphaxad vécut 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Salé vécut 30 ans, et il engendra Héber. Après qu'il eut engendré Héber, Salé vécut 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Héber vécut 34 ans, et il engendra Phaleg. Après qu'il eut engendré Phaleg, Héber vécut 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Phaleg vécut 30 ans, et il engendra Réu. Après qu'il eut engendré Réu, Phaleg vécut 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Réu vécut 32 ans, et il engendra Sarug. Après qu'il eut engendré Sarug, Réu vécut 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Sarug vécut 30 ans, et il engendra Nachor. Après qu'il eut engendré Nachor, Sarug vécut 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Nachor vécut 29 ans, et il engendra Taré. Après qu'il eut engendré Taré, Nachor vécut 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Taré vécut 70 ans, et il engendra Abram, Nachor et Haran. Voici l'histoire de Taré. Taré engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Taré, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Melcha, fille d'Haran, père de Melcha et père de Jeska. Or Sarai fut stérile, elle n'avait point d'enfant. Taré prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, son petit-fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur, des Chaldéens, pour aller au pays de Canaan. Mais, arrivés à Haran, ils s'y établirent. Les jours de Taré furent de 205 ans, et Taré mourut à Haran. Chapitre 12. Le Seigneur dit à Abraham : Va-t'en de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai grand ton nom. Tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et celui qui te maudira, je le maudirai. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il sortit de Haran. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, ainsi que tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran, et ils partirent pour aller au pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit : Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel au Seigneur qui lui était apparu. Il passa de là à la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa sa tente, ayant Béthel au couchant et Haï à l'orient. Là encore il bâtit un autel au Seigneur, et il invoqua le nom du Seigneur. Puis Abraham s'avança, de campement en campement, vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront vivre. Dis donc que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et qu'on me laisse la vie par égard pour toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que sa femme était fort belle. Les grands de Pharaon, l'ayant vue, la vantèrent à Pharaon, et cette femme fut prise et emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais le Seigneur frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, à cause de Sarai, femme d'Abraham. Pharaon appela alors Abraham et lui dit : Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme ? Pourquoi as-tu dit : C'est ma sœur, de sorte que je l'ai prise pour femme ? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon, ayant donné des ordres à ses gens au sujet d'Abraham, ils le renvoyèrent, lui et sa femme, et tout ce qui lui appartenait. Chapitre 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Or Abraham était fort riche en troupeaux, en argent et en or. Puis il alla, de campement en campement, du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où il avait la première fois dressé sa tente, entre Béthel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'il avait précédemment élevé. Et là, Abraham invoqua le nom du Seigneur. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée ne leur suffisait pas pour habiter ensemble, car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils pussent demeurer ensemble. Il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens étaient alors établis dans le pays. Abraham dit à Lot : Qu'il n'y ait pas, je te prie, de débat entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes des frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, je prendrai à droite. Et si tu vas à droite, je prendrai à gauche. » Lot, levant les yeux, vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. C'était avant que le Seigneur eût détruit Sodome et Gomorre. Comme le jardin du Seigneur, comme la terre d'Égypte du côté de Tsoar. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram habitait dans le pays de Canaan, et Lot habitait dans les villes de la plaine, et il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Or les gens de Sodome étaient fort mauvais et grands pécheurs contre le Seigneur. Le Seigneur dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et, du lieu où tu es, regarde vers le septentrion et vers le midi, vers l'orient et vers le couchant. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité nombreuse comme la poussière de la terre. Si l'on peut compter la poussière de la terre, on comptera aussi ta postérité. Lève-toi, parcours le pays de long en large, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter aux chênes de Mambré, qui sont en Hébron, et il bâtit là un autel au Seigneur. Chapitre 14. Au temps d'Amraphel, roi de Sénar, d'Arioc, roi d'Élazar, de Kedorlaomer, roi d'Élam, et de Tadal, roi de Goïm, il arriva qu'ils firent la guerre à Bara, roi de Sodome, à Bersa, roi de Gomorre, à Sénaab, roi d'Adama, à Séméber, roi de Séboïm, et au roi de Bala, qui est Ségor. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Car, pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais, la 14e année, Kedorlaomer se mit en marche avec les rois qui étaient avec lui, et ils bâtirent les Réphaïm à Astaroth-Carnaïm, les Suzim à Ham, les Émim dans la plaine de Cariataïm, et les Oréens dans la montagne de Séhir, jusqu'à El-Pharan, qui est près du désert. Puis, s'en retournant, ils arrivèrent à la fontaine du jugement, qui est Kadès, et ils bâtirent tout le pays des Amalécites, ainsi que les Amoréens qui habitaient à Hazazon-Tamar. Alors le roi de Sodome s'avança avec le roi de Gomorre, le roi d'Adama, le roi de Séboïm et le roi de Bala, qui est Ségor, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedorlaomer, roi d'Élam, Tadal, roi de Goïm, Amraphel, roi de Sénar, et Arioc, roi d'Élazar, 4 rois contre les 5. Il y avait dans la vallée de Sidim de nombreux puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite, et ils y tombèrent. Le reste s'enfuit dans la montagne. Les vainqueurs enlevèrent tous les biens de Sodome et de Gomorre et tous leurs vivres, et ils s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot, fils du frère d'Abraham, et ses biens, et ils s'en allèrent. Or, ils demeuraient à Sodome. Un des fugitifs vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu, qui habitait aux chênes de Mambré, l'Amoréen frère d'Échol et frère d'Aouer. Ils étaient des alliés d'Abraham. Dès qu'Abraham apprit que son frère avait été emmené captif, il mit sur pied ses gens les mieux éprouvés, nés dans sa maison, au nombre de 318, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Là, ayant partagé sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est à gauche de Damas. Il ramena tous les biens. Il ramena aussi Lot, son frère, et ses biens, ainsi que les femmes et les gens. Comme Abraham revenait vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Savé. C'est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui a créé le ciel et la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abram, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. » Abram répondit au roi de Sodome, « J'ai levé la main vers le Seigneur, le Dieu Très-Haut, qui a créé le ciel et la terre. D'un fil à une courroie de sandales, je ne prendrai quoi que ce soit qui t'appartienne, afin que tu ne dises pas, « J'ai enrichi Abram. » Rien pour moi. Ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont venus avec moi, Aner, Échol et Mambré, eux, ils prendront leur part. » Chapitre 15. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abram en vision. « Ne crains point, Abram, je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. » Abram répondit, « Seigneur l'Éternel, que me donnerez-vous? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abram dit, « Voici, vous ne m'avez pas donné de postérité, et un homme attaché à ma maison sera mon héritier. » Alors la parole du Seigneur lui fut adressée en ces termes, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. » Et, l'ayant conduit dehors, il dit, « Lève ton regard vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abram eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur le lui imputa à justice. Et il lui dit, « Je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens, afin de te donner ce pays pour le posséder. » Abram répondit, « Seigneur l'Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Et le Seigneur lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. » Abram lui amena tous ses animaux et, les ayant partagés par le milieu, il mit chaque moitié vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abram les chassa. Comme le soleil se couchait, un profond sommeil tomba sur Abram. Une terreur, une obscurité profonde tombèrent sur lui. Le Seigneur dit à Abram, « Sache bien que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Ils y seront en servitude, et on les opprimera pendant 400 ans. » Mais je jugerai la nation à laquelle ils auront été asservis, et ensuite ils sortiront avec de grands biens. Toi, tu t'en iras en paix vers tes pères. Tu seras mis en terre dans une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car jusqu'à présent l'iniquité de l'Amoréen n'est pas à son comble. Lorsque le soleil fut couché et qu'une profonde obscurité fut venue, voici qu'un four fumant et un brandon de feu passaient entre les animaux partagés. En ce jour-là, le Seigneur fit alliance avec Abram en disant, « Je donne à ta postérité ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate, le pays des Sinéens, des Sénézéens, des Cadmonéens, des Éthéens, des Phérézéens, des Rephaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Gergéséens et des Jébuséens. » Chapitre 16. Sarai, femme d'Abram, ne lui avait pas donné d'enfant, et elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Sarai dit à Abram, « Voici que le Seigneur m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je d'elle des fils. » Abram écouta la voix de Sarai. Sarai, femme d'Abram, prit donc Agar l'Égyptienne, sa servante, après qu'Abram eut habité 10 années dans le pays de Canaan, et elle la donna à Abram, son mari, pour être sa femme. Il alla vers Agar, et elle conçut. Et, quand elle vit qu'elle avait conçu, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarai dit à Abram, « L'outrage qui m'est fait tombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et, quand elle a vu qu'elle avait conçu, Elle m'a regardé avec mépris. Que le Seigneur juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai. « Voici, ta servante est sous ta puissance. Agis à son égard comme bon te semblera. » Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit de devant elle. L'ange du Seigneur la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Sûr. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ? » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange du Seigneur lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange du Seigneur ajouta, « Je multiplierai extrêmement ta postérité. On ne pourra la compter, tant elle sera nombreuse. » L'ange du Seigneur lui dit encore, « Voici que tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël, parce que le Seigneur a entendu ton affliction. Ce sera un âne sauvage que cet homme. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. » Et il habitera en face de tous ses frères. Agar donna au Seigneur qui lui avait parlé le nom de Atta el-Roi, car elle avait dit, « Ai-je donc ici même vu le Dieu qui me voyait ?» C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits Lakai Roi. Il est situé entre Kadès et Barad. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar avait mis au monde. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Chapitre 17. Lorsque Abraham fut arrivé à l'âge de 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois irréprochable. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba la face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. « Moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne te nommera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te fais père d'une multitude de nations. Je te ferai croître extraordinairement, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établis mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, d'âge en âge, en une alliance perpétuelle, pour être ton Dieu et le Dieu de tes descendants après toi. Je te donnerai, à toi et à tes descendants après toi, le pays où tu séjournes comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham, « Et toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, d'âge en âge. Voici l'alliance que vous avez à garder, l'alliance entre moi et vous, et tes descendants après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez dans votre chair, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Quand il aura 8 jours, tout mâle parmi vous, d'âge en âge, sera circoncis, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il ait été acquis à prix d'argent d'un étranger quelconque, qui n'est pas de ta race. On devra circoncire le mâle né dans la maison ou acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair comme alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera retranché de son peuple. Il aura violé mon alliance. » Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, car son nom est Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai aussi d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba la face contre terre, et il rit, disant dans son cœur, « Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans ? Et Sarah, une femme de 90 ans, enfantera-t-elle ? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant votre face !» Dieu dit, « Oui, Sarah, ta femme, t'enfanteras un fils. Tu le nommeras Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour ses descendants après lui. Quant à Ismaël, je t'ai entendu. Voici, je l'ai béni, je le rendrai fécond et je le multiplierai extrêmement. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que Sarah t'enfantera l'année prochaine à cette époque. » Et ayant achevé de parler avec lui, Dieu remonta d'auprès d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, ainsi que tous les serviteurs nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de sa maison, et il les circoncit en ce jour même, comme Dieu le lui avait commandé. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis, et Ismaël, son fils, avait 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils, et tous les hommes de sa maison, ceux qui étaient nés chez lui, et ceux qui avaient été acquis des étrangers à prix d'argent, furent circoncis avec lui. Chapitre 18. Le Seigneur lui apparut au chêne de Mamré, comme il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et il regarda. Et voici que 3 hommes se tenaient debout devant lui. Dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la tente au devant d'eux et, s'étant prosterné en terre, il dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. Je vais prendre un morceau de pain. Vous fortifierez votre cœur et vous continuerez votre chemin, car c'est pour cela que vous avez passé devant votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham s'empressa de revenir dans la tente vers Sarah, et il dit, « Vite, 3 mesures de farine, pétris et fais des gâteaux. » Puis Abraham courut au troupeau, et, ayant pris un veau tendre et bon, il le donna au serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit aussi du beurre et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Lui se tenait debout près d'eux sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » Et il dit, « Je reviendrai chez toi à cette époque même, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah entendait ces paroles à l'entrée de la tente, derrière lui. Or Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en jours. Sarah était hors d'âge. Sarah rit en elle-même en se disant, « Vieille comme je suis, connaîtrai-je encore le plaisir? Et mon Seigneur aussi est vieux. » Le Seigneur dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, vieille comme je suis ? » Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part du Seigneur ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même saison, et Sarah aura un fils. » Sarah nia en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il lui dit, « Non, tu as ri. » Ces hommes se levèrent pour partir et se tournèrent du côté de Sodome. Abraham allait avec eux pour les accompagner. Alors le Seigneur dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Car Abraham doit devenir une nation grande et forte, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Je l'ai choisi, en effet, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie du Seigneur, en pratiquant l'équité et la justice, et qu'ainsi le Seigneur accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Et le Seigneur dit, « Le cri qui s'élève de Sodome et de Gomorre est bien fort, et leur péché bien énorme. Je veux descendre et voir si, selon le cri qui est venu jusqu'à moi, leur crime est arrivé au comble, et s'il n'en est pas ainsi, je le saurai. » Les hommes partirent et s'en allèrent vers Sodome, et Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit: Est-ce que vous feriez périr aussi le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les feriez-vous périr aussi, et ne pardonnerez-vous pas à cette ville à cause des 50 justes qui s'y trouveraient? Loin de vous d'agir de la sorte, de faire mourir le juste avec le coupable. Ainsi il en serait du juste comme du coupable. Loin de vous. Celui qui juge toute la terre ne rendrait-il pas justice? Le Seigneur dit: Si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit: Voilà que j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être que des 50 justes, il en manquera 5. Pour 5 hommes détruirez-vous toute la ville. Il dit: Je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. Abraham continua encore à lui parler et dit: Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et il dit: Je ne le ferai pas à cause de ces 40. Abraham dit: Que le Seigneur veuille ne pas s'irriter si je parle. Peut-être s'en trouvera-t-il 30. Et il dit: Je ne le ferai pas si j'en trouve 30. Abraham dit: Voilà que j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il 20. Et il dit: À cause de ces 20, je ne la détruirai pas. Abraham dit: Que le Seigneur veuille ne pas s'irriter, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. Et il dit: À cause de ces 10, je ne la détruirai point. Le Seigneur s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Chapitre 19. Les deux anges arrivèrent à Sodome le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. En les voyant, Lot se leva pour aller au-devant d'eux, et il se prosterna le visage contre terre, et il dit: « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, chez votre serviteur, pour y passer la nuit. Lavez vos pieds. Vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » Ils répondirent: « Non, nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot leur fit tant d'instance qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, le peuple entier, de tous les bouts de la ville. Ils appelèrent Lot et lui dirent: « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Lot s'avança vers eux à l'entrée de la maison, et, ayant fermé la porte derrière lui, il dit: « Non, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Laissez-moi vous les amener, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne faites rien à ces hommes, car c'est pour cela qu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. » Ils répondirent: « Ôte-toi de là !» Et ils ajoutèrent: « Cet individu est venu comme étranger, et il fait le juge. Eh bien, nous te ferons plus de mal qu'à eux. » Et, repoussant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les deux hommes étendirent la main, et, ayant retiré Lot vers eux dans la maison, ils fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et ceux-ci se fatiguèrent inutilement à chercher la porte. Les deux hommes dirent à Lot: « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et qui que ce soit que tu aies dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce qu'un grand cri s'est élevé de ses habitants devant le Seigneur, et que le Seigneur nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres, qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, leur dit-il, sortez de ce lieu, car le Seigneur va détruire la ville. » Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges pressèrent Lot en disant: « Lève-toi, Prends ta femme et tes deux filles qui sont ici, afin que tu ne périsses pas dans le châtiment de la ville. » Comme il tardait, ces hommes le prirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car le Seigneur voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le mirent hors de la ville. Lorsqu'ils les eurent fait sortir, l'un des anges dit : « Sauve-toi sur ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Sauve-toi à la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit : « Non, Seigneur. Voici, votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux, et vous avez fait un grand acte de bonté à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne sans risquer d'être atteint par la destruction et de périr. Voyez, cette ville est assez proche pour m'y réfugier, et elle est peu de chose. Permettez que je m'y sauve. N'est-elle pas petite? Et que je vive. » Il lui dit : « Voici, je t'accorde encore cette grâce de ne pas détruire la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y sauver, car je ne puis rien faire que tu n'y sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Ségor. » Le soleil se leva sur la terre, et Lot arriva à Ségor. Alors le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu d'auprès du Seigneur, du ciel. Il détruisit ces villes et toute la plaine, et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et devint une colonne de sel. Abraham se leva de bon matin et se rendit au lieu où il s'était tenu devant le Seigneur. Il regarda du côté de Sodome et de Gomorre, et sur toute l'étendue de la plaine, et il vit monter de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot au bouleversement, lorsqu'il bouleversa les villes où Lot habitait. Lot monta de Ségor et s'établit à la montagne, ayant avec lui ses deux filles, car il craignait de rester à Ségor, et il habitait dans une caverne avec ses deux filles. L'aînée dit à la plus jeune : « Notre père est vieux, et il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions de notre père une postérité. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père, et il ne s'aperçut ni du coucher de sa fille, ni de son lever. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune : « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui afin que nous conservions de notre père une postérité. » Cette nuit-là encore, elles firent boire du vin à leur père, et la cadette alla se coucher auprès de lui, et il ne s'aperçut ni de son coucher, ni de son lever. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée mit au monde un fils, qu'elle nomma Moab. C'est le père des Moabites, qui existe jusqu'à ce jour. La cadette eut aussi un fils, qu'elle nomma Ben-Ami. C'est le père des fils d'Ammon, qui existe jusqu'à ce jour. Chapitre 20. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Sur, et fit un séjour à Gérar. Abraham disait de Sarah, sa femme : « C'est ma sœur. » Abimélec, roi de Gérar, envoya prendre Sarah. Mais Dieu vint à Abimélec en songe pendant la nuit et lui dit : « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise, car elle a un mari. » Or Abimélec ne s'était pas approché d'elle. Il répondit : « Seigneur, ferez-vous mourir des gens même innocents ? Ne m'a-t-il pas dit : « C'est ma sœur ? » Et elle-même m'a dit aussi : « C'est mon frère. C'est avec un cœur intègre et des mains pures que j'ai fait cela. » Dieu lui dit en songe : « Moi aussi, je sais que c'est avec un cœur intègre que tu as agi. Aussi t'ai-je retenu de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi, et tu vivras. Si tu ne la rends pas, sache que tu mourras certainement, toi et tous ceux qui t'appartiennent. » Abimélec se leva de bon matin, appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Puis Abimélec appela Abraham et lui dit : « Qu'est-ce que tu nous as fait ? En quoi ai-je manqué à ton égard, que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché ? Tu as fait avec moi des choses qui ne se font pas. » Abimélec dit encore à Abraham : « À quoi as-tu pensé en agissant de la sorte ?» Abraham répondit : « Je me disais, il n'y a sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et l'on me tuera à cause de ma femme. Et d'ailleurs, elle est vraiment ma sœur. Elle est fille de mon père, quoiqu'elle ne soit pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah : « Voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous arriverons, dis de moi, c'est mon frère. » Alors Abimélec prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimélec dit : « Voici, mon pays est devant toi, habite où il te plaira. » Et il dit à Sarah : « Je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi et pour tous. Te voilà justifié. » Abraham intercéda auprès de Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et ils eurent des enfants. Car le Seigneur avait rendu Toussaint stérile dans la maison d'Abimélec, à cause de Sarah, femme d'Abraham. Chapitre 21. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait dit. Le Seigneur accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah conçut et enfanta à Abraham un fils dans sa vieillesse, au terme que Dieu lui avait marqué. Abraham donna au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté, le nom d'Isaac. Et Abraham circoncite Isaac, son fils, à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit : « Dieu m'a donné de quoi rire. Quiconque l'apprendra rira à mon sujet. » Elle ajouta : « Qui eût dit à Abraham : Sarah allaitera des enfants, car j'ai donné un fils à sa vieillesse. » L'enfant grandit et on le sevra. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit le fils d'Agar, l'Égyptienne, qu'elle avait enfanté à Abraham, qui riait, et elle dit à Abraham : « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas hériter avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut beaucoup aux yeux d'Abraham à cause de son fils Ismaël. Mais Dieu dit à Abraham : que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Quoique Sarah te demande, consens-y, car c'est d'Isaac que naîtra la postérité qui portera ton nom. Néanmoins, du fils de la servante, je ferai aussi une nation, parce qu'il est né de toi. » Abraham s'étant levé de bon matin, prit du pain et une outre d'eau, les donna à Agar et les mit sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant, et il la renvoya. Elle s'en alla, errant dans le désert de Bersabée. Quand l'eau qui était dans l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant sous l'un des arbrisseaux, et elle s'en alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait : « Je ne veux pas voir mourir l'enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar en disant : « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, relève l'enfant, prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, et il grandit. Il habita dans le désert et devint un tireur d'arc. Il habitait dans le désert de Pharan, et sa mère prit pour lui une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimélech, accompagné de Phicol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi donc ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, mais que tu auras pour moi et pour ce pays où tu séjournes la même bienveillance dont j'ai usé envers toi. » Abraham dit, « Je le jurerai. » Mais Abraham fit des reproches à Abimélec au sujet d'un puits d'eau dont les serviteurs d'Abimélec s'étaient emparés de force. Abimélec répondit, « J'ignore qui a fait cela. Toi-même, tu ne m'en as pas informé, et je n'en ai entendu parler qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit des brebis et des bœufs, et les donna à Abimélec, et ils firent alliance tous les deux. Abraham mit à part 7 jeunes brebis du troupeau, et Abimélec dit à Abraham, « Qu'est-ce que ces 7 jeunes brebis que tu as mises à part ?» Il répondit, « Tu accepteras de ma main ces 7 jeunes brebis, afin que ce soit pour moi un témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on a appelé ce lieu Bersabée, parce que c'est là qu'ils ont tous deux prêté serment. C'est ainsi qu'ils firent alliance à Bersabée. Après quoi Abimélec se leva, avec Phicol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta un tamaris à Bersabée, et il invoqua là le nom du Seigneur, Dieu éternel. Et Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Chapitre 22. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham. » Il répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, et, ayant sellé son âne, il prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous voulons aller jusque-là et adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Et Abraham prit le bois de l'holocauste et le mit sur Isaac, son fils. Lui-même portait dans sa main le feu et le couteau, et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Isaac parla à Abraham, son père, et dit, « Mon père !» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Et Isaac dit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu verra à trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils allaient tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait désigné, Abraham y éleva l'autel et arrangea le bois. Puis il lia Isaac, son fils, et le mit sur l'autel, au-dessus du bois. Et Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange du Seigneur lui cria du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Et l'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham, ayant levé les yeux, vit derrière lui un bélier pris dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham nomma ce lieu « Seigneur, Yéré », d'où l'on dit aujourd'hui « Sur la montagne du Seigneur, il sera vu ». L'ange du Seigneur appela du ciel Abraham une seconde fois en disant « Je l'ai juré par moi-même, dit le Seigneur, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. En ta postérité seront bénies toutes les nations de la terre, parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham retourna vers ses serviteurs, et, s'étant levé, ils s'en allèrent ensemble à Bersabée. Et Abraham habita à Bersabée. Après ces événements, on apporta à Abraham cette nouvelle. Voici, Melcha a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. Hus, son premier-né, Buz, son frère, Camuel, père d'Aram, Kazed, Azo, Feldas, Jedlaf et Batuel. Batuel fut père de Rebecca. Ce sont là les huit fils que Melcha enfanta à Nachor, frère d'Abraham. Sa concubine, nommée Roma, eut aussi des enfants. Tabé, Gaham, Taas et Maasha. Chapitre 23. Sarah vécut 127 ans. Telles sont les années de sa vie. Sarah mourut à Kiriath Arbé, qui est en Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour faire le deuil de Sarah et pour la pleurer. Puis Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis un étranger et un hôte parmi vous. Accordez-moi de posséder un sépulcre, afin que je puisse ôter de devant moi mon mort et l'enterrer. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant « Écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans le plus beau de nos sépulcres. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour y déposer ton mort. » Alors Abraham se leva et, se prosternant devant le peuple du pays, devant les fils de Heth, il leur parla en ces termes. « Si vous voulez que j'ôte mon mort de devant moi pour l'enterrer, écoutez-moi et priez pour moi, Éphron, fils de Séor, de me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient et qui est au bout de son champ, de me la céder en votre présence pour l'argent qu'elle vaut, comme un lieu de sépulture qui soit à moi. » Or Éphron était assis au milieu des fils de Heth. Éphron, le Héthéen, répondit à Abraham en présence des fils de Heth, de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Il lui dit « Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ et je te donne la caverne qui s'y trouve. Je te la donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. » Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Éphron en présence du peuple du pays. « Qu'il te plaise seulement de m'écouter. Je donne le prix du champ, reçois-le de moi, et j'enterrerai là mon mort. » Éphron répondit à Abraham en lui disant « Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 sicles d'argent, entre moi et toi, qu'est-ce que cela? Enterre ton mort. » Abraham écouta Éphron, et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, savoir 400 sicles d'argent ayant cours chez le marchand. Ainsi le champ d'Éphron, qui est à Macpéla, vis-à-vis de Mambré, le champ et la caverne qui s'y trouvent, ainsi que tous les arbres qui sont dans le champ et dans ses confins tout autour, devinrent la propriété d'Abraham, aux yeux des fils de Heth, de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne de Macpéla, vis-à-vis de Mambré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ, avec la caverne qui s'y trouve, demeura à Abraham en toute propriété, comme lieu de sépulture provenant des fils de Heth. Chapitre 24. Abraham était vieux, avancé en âge. Et le Seigneur avait béni Abraham en toutes choses. Et Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui administrait tous ses biens, « Mets donc ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Mais ce sera dans mon pays et dans ma patrie que tu iras prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays. Devrais-je ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi d'y ramener mon fils. Le Seigneur, le Dieu du ciel, qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma naissance, qui m'a parlé et qui m'a fait serment en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et tu prendras de là une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te demande, mais tu ne ramèneras pas là mon fils. » Alors le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et lui prêta serment à ce sujet. Le serviteur prit 10 des chameaux de son maître, et il se mit en route. Or il avait à sa disposition tous les biens de son maître. S'étant levé, il alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit ployer les genoux aux chameaux hors de la ville, près d'un puits, vers le soir, à l'heure où les femmes sortent pour puiser de l'eau. Et il dit, « Seigneur, Dieu d'Abraham, mon maître, veuillez me faire rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et user de bonté envers mon maître Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau, et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive », et qui répondra, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que vous avez destinée à votre serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que vous avez usé de bonté envers mon maître. » Il n'avait pas encore fini de parler, et voici que sortit, sa cruche sur l'épaule, Rebecca, fille de Bathuel, fils de Melcha, femme de Nachor, frère d'Abraham. La jeune fille était fort belle de figure. Elle était vierge, et nul homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit, « Permets que je boive un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon seigneur. » Et, s'empressant d'abaisser sa cruche sur sa main, elle lui donna à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi de l'eau pour les chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient bu assez. » Et elle se hâta de vider sa cruche dans l'abreuvoir, et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la considérait en silence, pour savoir si le Seigneur avait fait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-sicle et 2 bracelets du poids de 10 sicles d'or, et il dit, « De qui es-tu fille? Dis-le-moi donc. Y a-t-il dans la maison de ton père une place où nous puissions passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis fille de Bathuel, le fils de Melcha, qu'elle enfanta à Nachor. » Elle ajouta, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la paille pour y passer la nuit. » Alors cet homme s'inclina et se prosterna devant le Seigneur, et il dit, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Abraham, mon maître, qui n'a pas manqué à sa bonté et à sa fidélité envers mon maître. Moi-même, le Seigneur m'a conduit par le chemin chez les frères de mon maître. » La jeune fille courut raconter chez sa mère ce qui s'était passé. Rebecca avait un frère, nommé Laban. Laban courut dehors vers cet homme, près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « L'homme m'a parlé ainsi. » Il vint donc à cet homme, qui se tenait auprès des chameaux, à la source, et il dit, « Viens, béni du Seigneur, pourquoi restes-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » Et l'homme entra à la maison. Laban débatta les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger, mais l'homme dit, « Je ne mangerai point que je n'ai dit ce que j'ai à dire. » « Parle, » dit Laban. Il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. Le Seigneur a comblé de bénédictions mon maître, et il est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, femme de mon maître, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon maître, et il lui a donné tous ses biens. Mon maître m'a fait jurer en disant, « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père et dans ma parenté, et tu prendras là une femme pour mon fils. » Je dis à mon maître, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre ?» Et il m'a répondu, « Le Seigneur, devant qui je marche, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de ma parenté et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais, une fois que tu te seras rendu dans ma parenté. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que je te demande. » En arrivant aujourd'hui à la source, j'ai dit, « Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, si vous daignez faire réussir le voyage que je fais, voici que je me tiens près de la source d'eau. Que la jeune fille qui sortira pour puiser et à qui je dirai, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, » et qui me répondra, « Bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux. » Qu'elle soit la femme que le Seigneur a destinée au fils de mon maître. Je n'avais pas encore fini de parler en mon cœur, voici que Rebecca sortait, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Et je lui ai dit, « Donne-moi à boire, je te prie. » Abaissant aussitôt sa cruche de dessus son épaule, elle me dit, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » J'ai donc bu, et elle a aussi donné à boire aux chameaux. Et je l'ai interrogée en disant, « De qui es-tu fille ?» Elle a répondu, « Je suis fille de Bathuel, le fils de Nachor, que Melcha lui a enfanté. » Alors j'ai mis l'anneau à ses narines et les bracelets à ses mains. Puis je me suis incliné et prosterné devant le Seigneur, et j'ai béni le Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham, qui m'a conduit dans le vrai chemin pour prendre la fille du frère de mon maître pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bonté et de fidélité envers mon maître, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi encore, et je me tournerai à droite ou à gauche. » Laban et Bathuel répondirent en disant, « La chose vient du Seigneur, nous ne pouvons te dire ni mal ni bien. Voici Rebecca devant toi. Prends-la et t'en va, qu'elle soit la femme du fils de ton maître, comme le Seigneur l'a dit. » Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu ces paroles, il se prosterna à terre devant le Seigneur. Et le serviteur tira des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Ensuite ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent là la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon maître. » Le frère et la mère de Rebecca dirent, « Que la jeune fille demeure avec nous quelques jours encore, une dizaine, après quoi elle partira. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque le Seigneur a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir, pour que je retourne vers mon maître. » Ils dirent, « Appelons la jeune fille, et demandons-lui ce qu'elle désire. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu partir avec cet homme ?» Elle répondit, « Je partirai. » Alors ils congédièrent Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, puisse ta postérité posséder la porte de ses ennemis. » Alors Rebecca et ses servantes, s'étant levées, montèrent sur les chameaux et suivirent cet homme. Et le serviteur emmena Rebecca et se mit en route. Cependant Isaac était revenu du puits de Chahiroï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti dans les champs pour méditer, levant les yeux, il vit des chameaux qui arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux et, ayant aperçu Isaac, elle sauta à bas de son chameau. Elle dit au serviteur « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Le serviteur répondit « C'est mon maître. » Et elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Et Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Et Isaac se consola de la mort de sa mère. Chapitre 25. Abraham prit encore une femme, nommée Sétura. Elle lui enfanta Zamran, Jeksan, Madan, Madian, Jesbok et Sué. Jeksan engendra Saba et Dadan. Les fils de Dadan furent les Assurim, les Latusim et les Laomim. Les fils de Madian furent Epha, Ophir, Enoch, Abida et Eldaa. Ce sont là tous les fils de Sétura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Quant aux fils de ses concubines, il leur donna des présents et il les envoya de son vivant loin de son fils Isaac, à l'Orient, au pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut dans une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut réuni à son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Séor le Héthéen, qui est vis-à-vis de Mambré. C'est le champ qu'Abraham avait acheté des fils de Heth. Là fut enterré Abraham avec Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils, et Isaac habitait près du puits de Lakaï-Roé. Voici l'histoire d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'avait enfanté à Abraham Agar l'Égyptienne, servante de Sarah. Voici les noms des fils d'Ismaël, selon les noms de leur postérité. Premier-né d'Ismaël, Nébaïoth, puis Sédar, Assibéel, Mapsam, Masma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Jétur, Naphis et Sedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms, selon leur village et leur campement. Ce furent les 12 chefs de leur tribu. Voici les années de la vie d'Ismaël. 137 ans. Puis il expira et mourut, et il fut réuni à son peuple. Ses fils habitèrent depuis Évila jusqu'à Sûr, qui est en face de l'Égypte, dans la direction de la Syrie. Il s'étendit en face de tous ses frères. Voici l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bathuel l'Araméen, de Padan Aram et sœur de Laban l'Araméen. Isaac implora le Seigneur au sujet de sa femme, car elle était stérile. Le Seigneur l'exauça, et Rebecca, sa femme, conçut. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter le Seigneur, et le Seigneur lui dit « Deux nations sont dans ton sein, deux peuples, au sortir de tes entrailles, se sépareront. Un peuple l'emportera sur l'autre, et le plus grand servira le plus petit. » Le temps où elle devait enfanter arriva, et voici, il y avait deux jumeaux dans son sein. Celui qui sortit le premier était roux, tout entier comme un manteau de poil, et ils l'appelèrent Ésaü. Ensuite sortit son frère, tenant dans sa main le talon d'Ésaü, et on le nomma Jacob. Isaac était âgé de 60 ans quand ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob était un homme paisible, demeurant sous la tente. Isaac prit en affection Ésaü, parce qu'il aimait la venaison, et l'affection de Rebecca était pour Jacob. Comme Jacob faisait un potage, Ésaü arriva des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi donc manger de ce roux, là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. Que me servira mon droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il jura et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Celui-ci mangea et but. Puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse.